dédicace à Jimmy Cliff et à tous les fumeurs de spliff. Car la terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens de mauvaise volonté. Ah oui, la terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens qui sont mauvaises à torturer. Des bourreaux, des voleurs, des vendeurs, des tricheurs, des gens pas beaux qui ne sont pas au labeur. Et pourtant, je me demande chez moi ce qu'il faudrait que j'y fasse, si l'on peut vraiment trouver une solution à tout ça pour sortir de la mélasse. Car moi je préfère fumer, éteindre ma télé pour jouer de la musique, plutôt que de dépenser tout mon fric dans les bars ou à la Fnac. Partout où tu vas, tu raques, tu raques, raques. Au rack, rack, rack, rack, il ne te reste que de Chi et Jospin et Chirac. C'est la même mélodie. Rack, rack, rack, rack, il ne te reste que de Chi, Jospin et Chirac. C'est la même mélodie, et oui. Car la terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens de mauvaise volonté. Oh oui, la terre est pleine à craquer, elle est trop pleine de gens qui sont prêts à t'entuber. Et quand tu vas au ciné, il faut payer. Quand tu prends l'autoroute, je te dis pas combien ça te coûte. Consommer, dépenser jusqu'à son dernier denier. Après le découvert, c'est l'interdiction bancaire. Moi j'ai préféré revendre ma télé pour pouvoir encore manger. De toute façon, y'a avec des programmes sans raison, et je dois vous dire, je n'y prenais aucun plaisir. Car moi je préfère fumer et éteindre ma télé pour jouer de la musique, plutôt que de dépasser tout mon fric dans les bars ou à la Fnac. Partout où tu vas, tu raques, tu raques, raques. Au rack, rack, rack, rack, il ne te reste que le Chi et Jospin et Chirac. C'est la même mélodie. Rack, rack, rack, rack, il ne te reste que le Chi et Royal Sarkozy. C'est autant de rimes en hic. Maladie, calomnie, avarie, félonie, du lundi au samedi, bienvenue en Sadoukassi. La terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens de mauvaise volonté. Oh oui, la terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens de mauvaise volonté. La terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens prêts à s'entuber. La terre est pleine à craquer, elle est pleine de gens sont prêts à s'entuber. Et oui. Et c'est sur ce message que je voudrais vous dire.